إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، nous continuons par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala la série intitulée Les étapes de l'au-delà. Nous avions entamé la semaine dernière l'étape de l'intercession. Et on avait parlé de l'intercession suprême dont fera usage le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam le jour du jugement. Nous avions vu le long hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit la situation des gens durant le jour dernier dans la terre du rassemblement. Nous allons parler aujourd'hui plus en détail de l'intercession de façon générale et expliquer ses différentes formes. Tout d'abord, al-shafa'a, l'intercession, afin qu'elle puisse être accomplie, trois conditions doivent être réunies. La première, c'est tout d'abord la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'on l'a vu la semaine dernière, l'intercession, c'est-à-dire le fait qu'une personne interfère en faveur d'autrui afin de lui apporter un bien ou de repousser d'elle un mal. Donc ici, à Shafa'a, il y a l'intercesseur, celui qui va demander à Allah subhanahu wa ta'ala l'intercession, en faveur de l'intercédé. Nous avons donc l'intercesseur, celui qui demande, et nous avons l'intercédé, celui qui profite de cette intercession, et Allah subhanahu wa ta'ala qui accepte ou refuse cette intercession. Pour que l'intercession soit effective, il faut tout d'abord qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la permission à l'intercesseur d'intercéder. La deuxième condition est qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit agréé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pardon, agréé l'intercesseur. Et la troisième condition est qu'Allah subhanahu wa ta'ala agréé l'intercédé. Il y a donc trois conditions. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate An-Najm. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Allah Azza wa Jalla dit dans le sens des versets, « Que d'anges dans les cieux, que sont nombreux les anges qui sont dans les cieux, mais leur intercession ne peut profiter qu'après qu'Allah la permette en faveur de celui que lui veut et agrée. Qu'après qu'Allah la permette en faveur de celui que Allah Azza wa Jalla veut et agrée. Et Allah Azza wa Jalla dit également dans sourate Al-Baqarah, « Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih » Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Qui a cette possibilité, cette capacité d'intercéder auprès d'Allah Azza wa Jalla sans qu'Allah ne lui ait donné cette permission? La réponse est personne. Et Allah Azza wa Jalla dit dans sourate Taha, يَوْمَ إِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. En ce jour, aucune intercession ne sera acceptée, sauf celui auquel le miséricordieux le permettra et dont il agréera la parole. Ce sont donc les trois conditions pour que l'intercession soit effective, qu'Allah Azza wa Jalla donne la permission à l'intercesseur, qu'Allah Azza wa Jal agrée l'intercesseur et qu'Allah Azza wa Jal agrée l'intercédé, celui en faveur de qui l'on intercède. Quant aux différentes formes d'intercession, il y a tout d'abord al-shafa'atul 'uzma, l'intercession suprême. Et c'est celle dont nous avons parlé la semaine dernière. L'intercession qui aura lieu après la résurrection et le rassemblement. Lorsque les gens stationneront dans la terre du rassemblement en attendant qu'Allah subhanahu wa ta'ala les juge. Et c'est à ce moment-là que le prophète alayhi salatu wassalam intercédera en faveur de ces gens afin qu'Allah azza wa jal puisse les juger et que cette interminable attente cesse. La deuxième forme d'intercession est l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam afin que les gens du paradis entrent au paradis. La preuve est le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ana awwal an-nas yashfa'u fi al-jannah wa ana akthar al-anbiya'i tab'a wa fi riwaya fa'astaftihu fayaqulu al-khazin man ant fa'aqulu Muhammad fayaqulu bika umirt la aftahu li ahadin qablak. Dans le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: je serai le premier qui intercédera pour le paradis, c'est-à-dire pour l'entrée au paradis. Et je serai le prophète qui aura le plus de suiveurs. Et dans une version, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: fa'astaftih. Et je demanderai à ce que les portes du paradis s'ouvrent. Le gardien du paradis dira: qui es-tu? Je dirai: je suis Muhammad. Et le gardien dira: à toi il m'a été ordonné d'ouvrir et à personne avant toi. La troisième forme d'intercession est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur de son oncle Abu Talib afin que son châtiment lui soit allégé. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a intercédé en faveur de son oncle Abu Talib qui n'est pas mort musulman. Et la preuve est le hadith d'Abu Sa'id radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dhukira indahu ammuhu Abu Talib, que l'on a cité l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam Abu Talib en sa présence. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la'allahu tanfa'uhu shafa'ati yawm al-qiyamah fayuj'alu fi dahdahin min nar yablughu ka'bayhi yaghli minhu dimaghuh. Lorsque Abu Talib a été cité en présence du prophète sallallahu alayhi wassalam, il a dit alayhi salatu wassalam: il est probable que mon intercession lui soit profitable le jour dernier. Il sera placé sur un feu peu profond. Fi dahdah min nar. Dahdah, c'est ça la signification en arabe de quelque chose de peu profond. Ma'un dahdah, une eau peu profonde. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que son oncle Abu Talib sera placé sur un feu peu profond qui atteindra ses chevilles. Yarli minhu dimaru, au point que son cerveau se mettra à bouillir, wal'iyadu billah. Et dans d'autres hadiths, il est cité que ce châtiment est le plus faible en enfer. Et celui qui le subira aura l'impression de subir le châtiment le plus atroce en enfer, alors qu'en réalité, c'est le châtiment le plus doux, wal'iyadu billah. Et dans une autre version, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: laoula ana la kana fi darakil asfali minan nar. Si ce n'était moi, c'est-à-dire si ce n'était mon intercession en sa faveur, il serait dans l'abîme la plus profonde de l'enfer. On pourrait se poser la question, pourquoi Abu Talib, l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, si ce n'était l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam, il serait dans l'abîme la plus profonde de l'enfer. Or Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, nous parle des hypocrites qui, eux, mériteront l'abîme la plus profonde de l'enfer. إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. Les hypocrites seront dans les abîmes les plus profondes de l'enfer et tu ne trouveras pour eux là-bas aucun secoureur. L'hypocrite est celui qui enferme en lui la mécréance, mais qui montre, mais sous l'enveloppe de l'islam, il se montre aux yeux des autres comme étant musulman, alors qu'en réalité, il n'en est rien, et ceci dans le but de tromper ou de porter atteinte aux musulmans ou non. Les savants ont répondu en disant que Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait partie des personnes sur qui la preuve a été la plus établie. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » Et nous ne châtions pas qu'après avoir envoyé un prophète et un messager. Et Abu Talib fait partie des personnes à qui le message a été transmis de la meilleure des façons. Il savait que l'islam était la religion de vérité. Il savait que le prophète, alayhi salatu wassalam, était véridique. Mais, comme il le dit dans un vers de poésie, « لَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ » من خير أديان البرية لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. J'ai certainement su que la religion de Muhammad est la meilleure des religions pour l'humanité. Si ce n'était la peur d'être insulté ou de recevoir des reproches, tu m'aurais trouvé embrassant cette religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au dernier du souffle de son oncle Abu Talib, lui a demandé de proclamer la shahada et d'embrasser l'islam, mais il n'est pas mort musulman. Ainsi, plus la preuve est établie sur une personne et plus la menace du châtiment pèse sur lui. Et ces trois formes d'intercession que l'on a citées, l'intercession suprême, l'intercession pour que les gens du paradis entrent au paradis, ainsi que l'intercession en faveur de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont toutes les trois des intercessions qui sont propres au prophète alayhi salatu wassalam. Personne en dehors de lui n'a la possibilité de les demander. Il y a ensuite l'intercession pour que les gens du tawhid sortent de l'enfer. Car lorsque l'on parle des gens du tawhid, de ceux qui ont dit la ilaha illallah de façon sincère et l'ont mise en pratique, cela ne signifie pas qu'ils ne commettent pas de péché. S'ils ont commis des péchés pour lesquels ils ne se sont pas repentis, ils sont sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il leur pardonne, c'est par pitié et miséricorde. Et si il les châtie, c'est par justice, subhanahu wa ta'ala. Il y a donc une intercession qui sera possible afin que les gens du tawhid qui seront en enfer en sortent. La preuve est le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير » ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. Sortira de l'enfer celui qui aura dit la ilaha illallah et qui aura dans son cœur le poids d'un grain d'orge de bien. et sortira de l'enfer celui qui aura dit « La ilaha illallah » et dans son cœur le poids d'un grain de blé de bien. Et sortira de l'enfer celui qui aura dit « La ilaha illallah » et dans son cœur le poids d'une petite fourmi de bien. Et dans le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Likulli nabiyin da'watun mustajaba » À chaque prophète une invocation exaucée. « Fata'ajjala kullu nabiyin da'watah » Et chaque prophète a hâté son invocation. « Wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah » Et quant à moi, j'ai gardé mon invocation afin d'intercéder en faveur de ma communauté le jour du jugement. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا Et elle atteindra par la volonté d'Allah celui qui mourra parmi ma communauté sans n'avoir rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'on voit ici le mérite du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec tout ce que ce mot a comme signification. Le tawhid est la base de toute chose, et la raison pour laquelle nous existons, c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Ainsi, le musulman doit apprendre le tawhid, doit le mettre en pratique, doit le préserver. Il doit apprendre ce qu'est le polythéisme shirk sous toutes ses formes, afin de s'en prémunir. Car beaucoup d'actes sont conditionnés au tawhid, et beaucoup de mérites et beaucoup de faveurs dont peut bénéficier le musulman dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà sont conditionnés au tawhid. Et ici dans ce hadith, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam est conditionnée au tawhid. Elle atteindra par la volonté d'Allah celui de ma communauté qui mourra sans avoir rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre forme d'intercession qui est l'intercession en faveur de celui qui mérite l'enfer afin qu'il n'y entre pas. Et la preuve est le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma min muslimin yamut, fayakoumu ala janazatihi arba'una rajulan, la yushrikuna billahi shay'a, illa shuffi'u fih. » Il n'y a pas un musulman qui décède, puis prie sur lui la prière funéraire 40 hommes qui n'associent rien à Allah sans que leur intercession en sa faveur lui sera accordée. Afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés et afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le fasse pas entrer en enfer alors qu'il méritait d'y entrer. Ceci est conditionné à ce que 40 hommes accomplissent et participent à sa prière funéraire et que ces 40 hommes n'associent rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre forme d'intercession est l'intercession afin que des personnes qui entreront au paradis voient leur degré au paradis élevé. Et ceci de par l'invocation des croyants en sa faveur, comme le rapporte Ummu Salama radiyallahu anha, et l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur de Abu Salama lorsqu'il mourut. Ummu Salama, qui est la mère des croyants, elle est connue par sa kunya Ummu Salama, mais son nom est Hind bint Abi Umayya. C'est une Makhzoumiya de la tribu de Quraysh. Et la tribu de Makhzoum est une tribu qui est connue par sa noblesse et par le fait que ceux qui la constituent faisaient partie des dignitaires. Umm Salama, radiyallahu anha, était notamment la cousine de Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anha. Elle fut, avant d'être la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle fut mariée à Abu Salama. Abu Salama, son nom est Abdullah ibn Abd al-Asad. C'était le frère de lait du prophète, alayhi salatu wassalam, et c'était également son cousin. Umm Salama, ainsi que son premier mari Abu Salama, font partie des premiers à avoir embrassé l'islam. Ils font partie des premiers qui ont émigré vers l'Éthiopie, vers Al-Habasha, au début de l'islam. Puis ils sont revenus à la Mecque et ont ensuite émigré vers Médine lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a permis à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de proclamer la vérité et d'émigrer vers Médine. Elle fut la première femme mariée à émigrer vers Médine, radiyallahu ta'ala anha. Quant à Abu Salama, il a participé à la bataille de Badr, il a participé à la bataille de Uhud, durant laquelle il a été gravement blessé, radiyallahu anha, et il fait partie des 10 premiers à avoir embrassé l'islam. Ne l'a précédé dans l'islam qu'Abu Bakr et une poignée d'autres hommes, radiyallahu ta'ala anha. Et lorsque Abu Salama décéda, lorsqu'il mourut, il mourut des suites de ses blessures qui lui ont été infligées lors de la bataille de Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez Abu Salama et il a vu que son regard était figé. Le prophète alayhi salatu wassalam avait pour habitude de rendre visite aux malades. Et il savait que Abu Salama était malade des suites de ses blessures et il est parti lui rendre visite, sallallahu alayhi wasallam. Il a vu que son regard était figé et lui a fermé les paupières. Puis il a dit alayhi salatu wassalam, inna ar-ruha idha qubid tabi'ahu al-basar. Lorsque l'âme est saisie, le regard la suit. Lorsque ceux qui étaient présents parmi la famille d'Abu Salama ont entendu cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont su qu'Abu Salama venait de décéder. Il y a eu alors des bruits, des cris, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « La tad'u ala anfusikum illa bi khayr » « N'invoquez sur vous qu'en disant du bien » « Fa inna al-mala'ikata yu'amminuna ala ma taquloun » Car les anges disent « Amin » sur ce que vous dites. Ainsi, lorsque l'annonce du décès d'un proche ou autre nous parvient, nous ne devons que dire de bonnes paroles et de bonnes invocations. Ne pas dire « Malheur sur moi, malheur à nous, etc. etc. » Car les anges, c'est-à-dire les anges qui sont présents, que ce soit l'ange de la mort ou ceux qui l'aident, disent « Amin » sur ce que l'on dit. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allahumma ghfir li Abi Salama »« Ô Allah, pardonne à Abu Salama »« Warfa' darajatahu fil illiyin » et place-le à un rang élevé parmi les bien guidés au paradis. « Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin » et prend en charge sa succession parmi ceux qui resteront après lui. وَغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ et pardonne-nous ainsi qu'à lui, ô Seigneur des mondes. وَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ et élargis sa tombe. وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ illumine également sa tombe. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam a invoqué en faveur d'Abu Salama plusieurs invocations parmi celles-ci. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui l'élève en degré au paradis. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort d'Abu Salama et après que la période de viduité de Umm Salama radiyallahu anha se termina, il la demanda en mariage sallallahu alayhi wa sallam. Et bien avant, Umm Salama avait entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه له خيرا منها. Elle avait entendu auparavant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: lorsqu'un serviteur subit un malheur et dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, c'est à Allah que nous appartenons et c'est vers Allah que nous revenons. Ô Allah, récompense-moi dans mon malheur et fais-le succéder par une chose meilleure. Celui qui dit ces paroles, Allah subhanahu wa ta'ala le récompensera pour ce malheur qui le touche et le remplacera par une chose meilleure. Puis lorsque Abu Salama radiallahu anhu est décédé, Ummu Salama a dit, j'ai dit comme me l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans d'autres hadiths, elle dit, mais qui est meilleur qu'Abu Salama? Qui parmi les hommes est meilleur qu'Abu Salama, la première maison à avoir émigré pour Allah subhanahu wa ta'ala? Elle ne voyait pas qui pouvait être meilleur que son mari, qui était également son cousin, radiyallahu anha. Puis, lorsqu'elle a dit cette invocation, Allah subhanahu wa ta'ala lui a remplacé Abu Salama par meilleur que lui, à savoir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se maria, elle fit partie des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des mères des croyants. Parmi ses mérites, radiallahu anha, il y a le fait que Jibril alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa maison, sous l'apparence de Dihya al-Kalbi. Parmi ses mérites, c'est qu'elle a été bonne conseillère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment lors du pacte de l'Hudaybiyah, lorsque les polythéistes ont empêché les musulmans d'accomplir la Umrah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu avec eux le fait de ne pas accomplir sa Umrah cette année, mais de l'accomplir l'année suivante. Les compagnons, radiyallahu anhum, ont très mal pris cela, car ils étaient partis de Médine en ihram afin d'accomplir une umrah et en aucun cas de combattre les polythéistes à la Mecque. Et ils ont très mal vécu le fait de devoir renoncer à accomplir cette umrah et que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit de raser leur tête et de se désacraliser. Ils n'ont au début pas entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi sallatu wa sallam est rentré dans sa tente, énervé alayhi sallatu wa sallam et peiné par le fait que ses compagnons ne lui aient pas obéi sur le champ. Et Ummu Salama radiallahu anha a conseillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de sortir, de raser sa tête et de sacrifier sa bête. C'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons l'ont suivi par la suite. Ummu Salama radiallahu anha, qui fait partie des dernières épouses du prophète alayhi salatu wa sallam, a été décédée entre l'an 59 et l'an 62. Radiallahu ta'ala anha. Et ces types d'intercession que l'on a cité, à savoir intercéder en faveur des gens qui méritaient l'enfer afin de ne pas y entrer, l'intercession en faveur des gens du tawhid afin qu'ils sortent de l'enfer, l'intercession en faveur des croyants afin que leur degré soit élevé au paradis, ce sont des intercessions qui peuvent être demandées par les prophètes, les vertueux et les croyants. Il y a également l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur d'une partie de sa communauté afin qu'elle entre au paradis sans châtiment et sans jugement. Comme l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur de Ukasha ibn Mihsan radiyallahu ta'ala anhu, afin qu'il fasse partie des 70 000 qui entreront au paradis sans châtiment et sans jugement. Comme cela est rapporté dans Al-Bukhari Muslim, dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les communautés lui ont été présentées. Et il a vu alayhi salatu wa sallam un prophète défiler avec en sa compagnie Ar-Rahd, c'est-à-dire un nombre d'hommes compris entre 3 et 9. Il a vu un prophète accompagné d'un homme ou deux, et il a vu un prophète défiler seul. Puis, on a montré au prophète alayhi salatu wa sallam une foule immense. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a d'abord pensé que cette foule immense était sa communauté. Puis Jibril lui a dit « Hada Moussa wa qawmu » Ceci est Moussa, Moïse et son peuple. Puis j'ai regardé et j'ai vu une foule encore plus immense. Et il m'a été dit « Celle-ci est ta communauté » et avec eux 70 000 qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui. Les compagnons radiyallahu anhum ont passé toute la nuit à se demander qui étaient ceux qui avaient ce mérite. Quelles sont les caractéristiques de ces 70 000 personnes qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Certains ont dit c'est peut-être ceux qui ont était autour du prophète alayhi salatu wassalam. D'autres ont dit, ce sont peut-être ceux qui sont nés musulmans, sans avoir jamais associé à Allah quoi que ce soit. Et ils ont cité d'autres arguments et d'autres caractéristiques. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, ils l'ont informé de ces différentes caractéristiques qu'ils ont soumis les uns aux autres. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Humu alladhina la yastarqoun » Ce sont ceux qui ne demandent pas la ruqya, qui ne demandent pas à ce qu'on leur fasse la ruqya. « Wa la yaktaoun » Ceux qui ne font pas usage de la cautérisation. La cautérisation qui est le fait de se soigner par le feu, par la brûlure. « Wa la yatatayyaroun » Ceux qui n'augurent pas. C'est-à-dire qu'ils ne tirent pas de ce qu'ils voient ou entendent des conséquences sur l'avenir, comme le faisaient les polythéistes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils, avant d'entreprendre un voyage ou autre, ils recherchaient un nid d'oiseau et le secouaient, et lorsque les oiseaux partaient vers la droite, eh bien ils considéraient que cela était une bonne augure et ils continuaient leur voyage. Les oiseaux partaient à gauche, ils considéraient que cela était une mauvaise augure et donc ils s'abstenaient de voyager. Mais ceci, at-tatayyur, le fait d'utiliser les oiseaux, est un moyen qu'utilisaient. D'autres, lorsqu'ils voyaient un âne, par exemple, avec une queue coupée, lorsqu'ils voyaient tel ou tel animal, ils considéraient que cela était une mauvaise augure et ils stoppaient la chose qu'ils voulaient entreprendre. Ce sont ceux qui ne demandent pas la ruqya, ceux qui ne pratiquent pas la cautérisation, ceux qui n'augurent pas, wa ala rabbihim yatawakkalun, et ceux qui placent leur confiance en Allah. Ukasha ibn Mihsan, radiyallahu anhu, s'est levé et a dit, ô envoyé d'Allah, ud'u Allah an yaj'alani minhum, ô envoyé d'Allah, invoque Allah afin que je fasse partie d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Anta minhum » Tu fais partie d'eux. Et un autre homme s'est levé et a dit « Ô envoyé d'Allah, invoque Allah afin que je fasse partie d'eux. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Sabaqaka biha ukasha » Ukasha t'a précédé. C'est-à-dire, il t'a précédé à cette demande. Et les savants ont expliqué cette réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que cet homme en donnant plusieurs explications. Parmi ces explications, le fait que cet homme qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam après Ukasha ne faisait pas partie ou ne méritait pas de faire partie de ces 70 000. Car ces 70 000 font partie de l'élite des élites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa sagesse, de par sa compassion, de par son noble caractère sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas voulu blesser cette personne ou lui informer qu'elle ne ferait pas partie des 70 000. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de ne pas dévoiler le cas de cet homme, a répondu en disant que « Ukasha t'a précédé ». Et savons dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela également afin de couper court, car si il l'avait dit au second, eh bien un troisième l'aurait demandé, un quatrième et ainsi de suite, Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa sagesse et son noble caractère, a répondu de cette façon sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ensuite, il y a des actes qui, lorsqu'ils sont accomplis, permettent aux musulmans de bénéficier de l'intercession. Parmi ces actes, le fait de dire la ilaha illallah de façon sincère. La preuve est le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu dans lequel Abu Huraira radiyallahu anhu a dit: « Ô envoyé d'Allah, ya Rasulallah, man as'adu an-nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah. Quel est celui qui sera le plus heureux grâce à ton intercession le jour de la résurrection ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: « Laqad dhanantu ya Aba Hurayra an la yas'alani an hadha al-hadith ahadun awwal mink. Lima ra'aytu min hirsika 'ala al-hadith. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: « Je savais que personne avant toi ne m'interrogerait sur cette question, car je vois ta détermination à l'égard du hadith. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à sa question en disant: « As'adu an-nas bi shafa'ati. Le plus heureux grâce à mon intercession, yawm al-qiyama, le jour du jugement, est celui qui aura dit « Man qala la ilaha illallah » خالصاً من قبل نفسه. Celui qui aura dit la ilaha illallah du plus sincère, du plus profond de son cœur. Également, parmi ces actes qui permettent aux musulmans de bénéficier de l'intercession, le rappel à dire après al-adhan, après l'appel à la prière. Dans le hadith de Jabir radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: man qala hina yasma'u an-nida. Celui qui dit après avoir entendu l'appel à la prière: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma. Ô le détenteur de cet appel complet, c'est-à-dire de l'adhan, de l'appel à la prière, was-salati al-qa'imah, et de la prière perpétuelle, ati Muhammadan al-wasila. Donne à Muhammad al-wasila. Et al-wasila, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans un autre hadith, en disant que c'est un degré élevé qui n'appartient à personne en dehors de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Un degré élevé qui appartient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tambari illa li'abdin min ibadillah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en expliquant ce terme al-wasila, c'est un degré qui n'appartient qu'à un seul parmi les serviteurs d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par sa modestie, a dit: wa arju an akuna anahu. Et j'espère être ce serviteur. Donne à Muhammad al-wasila wal-fadila. Al-fadila, c'est une place éminente, une noblesse et une particularité qu'Allah subhanahu wa ta'ala donnera au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ. Et fais-le atteindre le poste glorieux que tu lui as promis. Et al-maqam al-mahmoud, ce poste glorieux, c'est l'intercession suprême le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit cette invocation, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati al-qa'ima, ati muhammadan il-wasilata wal-fadila, wa ba'athu maqaman mahmoudan il-ladhi wa'atta. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, حلت له شفاعتي يوم القيامة. Mon intercession lui sera due le jour dernier. Parmi également les actes qui méritent et par lesquels le musulman bénéficie de l'intercession, il y a le fait de patienter dans la difficulté, dans la vie difficile, pour celui qui a une vie difficile, à Médine, dans la ville du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La preuve est le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yasbiru ala law'a'i al-madinati wa shiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu shafi'an yawm al-qiyamati aw shahida. » Il dit sallallahu alayhi wa sallam « Quiconque patiente face à la difficulté et au manque de subsistance à Médine, quiconque parmi ma communauté patientera face à la difficulté et au manque de pourvoyance à Médine sans que je ne sois pour lui un intercesseur le jour du jugement ou bien un témoin. Et les savants ont dit, en expliquant ce hadith, que « ou » ici veut dire soit l'un soit l'autre en fonction de ce musulman. Si c'est un musulman qui a des manquements, alors il aura besoin de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle-ci lui sera accordée. Soit ce musulman qui patiente à Médine dans la difficulté fait partie des bienfaisants, alors il bénéficiera d'un témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam en sa faveur. Et nul doute qu'un témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam en sa faveur est meilleur que l'intercession. La preuve également est le hadith d'Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man istata'a an yamuta bil madinati fal yaf'al » فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا. Celui qui a la possibilité de mourir à Médine, qu'il le fasse, car j'intercéderai en faveur de celui qui mourra à Médine. Donc voici les différentes formes d'intercession et les différents actes et paroles qui, lorsque le musulman les met en pratique, il bénéficiera par la volonté et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. On s'arrête ici pour aujourd'hui incha'Allah ta'ala et l'on continuera la semaine prochaine en entamant une nouvelle étape parmi les étapes de l'au-delà, à savoir le jugement, al-hisab. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.